L'actualité à Nancy et ailleurs. Jusqu'au 9 juillet à Lunéville, tous les samedis, on a l'occasion d'aller pratiquer le roller en famille grâce à l'association Lunéville Roller. Benoît Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de Lunéville Roller. On va bien sûr parler de cette opération roller en famille. Peut-être un mot déjà sur le club. Depuis quand existe-t-il ? Nous, en fait, on est un club de roller. Il a été créé en 2008. Moi, j'en ai la présidence depuis à peu près 6 ans déjà maintenant. C'est une association qui regroupe un peu plus d'une centaine d'adhérents. On fait essentiellement de la randonnée, un petit peu de hockey en loisir, ou choses comme ça. Donc une centaine d'adhérents, de participants donc à ces rendez-vous. Et là, jusqu'au 9 juillet, donc vous proposez à celles et ceux qui ne pratiqueraient pas déjà peut-être le roller de venir eh bien s'essayer à cette pratique et en famille. C'est ça tous les samedis. Pourquoi cette idée ? En fait, depuis la période du Covid, on avait déjà un créneau qui s'appelait Parents Enfants, qui existait, qui fonctionnait bien. Mais depuis la période Covid, c'est un créneau qui est un peu en déperdition et pour tenter de le relancer, en fait, on fait cette opération-là. Nous, on est un club qui est quand même très axé famille et je trouvais que c'était dommage qu'on n'avait plus trop d'adhérents sur cette séance-là. Donc voilà, c'est une méthode d'essayer de la relancer. Et de renouer des contacts aussi avec de nouveaux pratiquants. Donc ce sera donc tous les samedis de 11h à midi et c'est gratuit. Donc pour les enfants à partir de 6 ans, il y a quand même une limite. Hein. Oui, alors il y a une limite. Maintenant, on fait quelques exceptions quand on a une famille avec un enfant qui a plus de 6 ans et puis un enfant qui est un petit peu juste en dessous. Oui. Voilà, on est ouvert, on laisse quand même le choix. Mais par défaut, voilà. On estime qu'à partir de 6 ans, voilà, ils sont plus à même quand même de se débrouiller quand même un peu plus en roller. En général, on va attirer beaucoup déjà de nos adhérents, les parents qui n'osent pas en fait faire du roller avec leurs enfants qui pratiquent déjà. Mais après, on accepte bien évidemment des familles qui ne pratiquent pas du tout. On est là pour leur apprendre justement. Il ne faut pas avoir peur de la chute au début. Voilà, vous vous adaptez aux personnes qui sont là. C'est ça. Nous, on est une école de roller. On apprend de A à Z à se déplacer, voilà, à s'arrêter. De façon à pouvoir à ce que n'importe qui puisse se débrouiller tranquillement en extérieur, en toute sécurité. Alors vous êtes président de Lunéville Roller. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous passionner pour cette pratique plus qu'une autre ? En fait, moi, c'est mes enfants hein, qui m'ont mis au roller. Elles pratiquaient déjà avec le club. Et puis un jour, il y a eu une randonnée. Ils avaient programmé une randonnée dans les Vosges. Et puis... une semaine avant, on m'a offert des rollers. On m'a dit, tiens, papa, tu viens avec nous faire du roller. On va faire 24 km. Et puis, ah oui. J'ai eu une semaine pour me préparer et puis je suis parti comme ça. Et ça s'est bien passé. Et du coup, là, ça y est, maintenant vous êtes parti et ça continue. C'est ça. Ça va faire 8-9 ans maintenant que je fais du roller. Et, au départ, j'étais adhérent. Après, j'ai pris la présidence. J'ai passé un brevet d'initiateur fédéral pour enseigner, pour apprendre aux gens à pratiquer le roller. Et c'est cette passion maintenant, hein, cette pratique que vous voulez faire partager aussi, notamment avec cette opération Roller en Famille. Alors, les rendez-vous, justement, pour cette opération, c'est au gymnase de la Barolière. Et là, je suppose que c'est aussi un président heureux parce que vous retrouvez le gymnase après de nombreuses années de travaux. Voilà, c'est ça. Le gymnase avait été interdit au public suite à des gros mouvements de terrain, il y avait des fissures qui étaient apparues sur le bâtiment. Donc, par mesure de sécurité, on avait été relogé tant bien que mal dans un local où on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas de sanitaire, choses comme ça. Mais bon, on remercie beaucoup la ville de Lunéville parce qu'ils ne nous ont pas abandonnés. Ils nous ont trouvé un local pour pouvoir pratiquer, parce que sinon le club se serait arrêté du jour au lendemain. Mais là, ça y est, après de nombreuses années... un peu à galérer, là on est content, on retrouve un beau gymnase propre, complètement rénové, ça fait plaisir. Donc voilà, avec bien l'occasion de découvrir ce gymnase, eh bien pourquoi pas, et en plus de faire du roller, c'est tous les samedis en famille, hein, de 11h à midi. Vous avez peut-être d'autres projets pour Lunéville Roller pour les semaines, voire les mois à venir ? Bah écoutez, on a toujours plein de projets en tête. On essaye déjà depuis quelques années à organiser un peu un rendez-vous mensuel pour nos licenciés, nos non-licenciés, les gens qui souhaiteraient venir faire des randos comme ça dans Lunéville. On est en train de mettre ça en place. On n'a pas encore exactement la date de lancement. Je ne sais pas si ce sera pour cette année, si ce sera pour l'année prochaine. J'aimerais bien pouvoir faire déjà la première édition cette année. Mais voilà, on aimerait bien lancer un rendez-vous mensuel, un peu comme une rando un peu nocturne. dans l'Univille. Eh bien voilà, des beaux projets. Alors pour se tenir au courant de l'actualité du club, je suppose qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. On a une page Facebook, on a notre site, l'univilleblogspot.fr. Du moment qu'on cherche l'Univille Roller, on arrive toujours à nous trouver. Voilà, un bon moteur de recherche et on vous trouve facilement. Merci beaucoup Benoît Grandjean pour la présentation de l'Univille Roller. Merci encore. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.